les aventures se poursuivent, celle de l'homme au pot de mayonnaise que je vous ai relaté l'histoire pendant quelques semaines. Donc, la suite, qu'est-ce qui s'est passé avec ce gars-là? Imaginez-vous. Je le dis souvent, ça, imaginez-vous, mais comment ça va en passant? Eh bien là, tu trébuches entre le présent, le passé, le futur. Où es-tu actuellement? Ici. Oh. Et ici, nous sommes là. Ça commence fort, là. On atteint des zones philosophiques intenses. Et moi, est-ce que... C'est en venant les... Voyons, là, pars-moi en deuxième. Encore une fois, j'aimerais intervenir. C'est que... Pour moi, c'est pas de la philosophie, là, ce qui vient de se brosser devant nous sans peigne et sans cheveux. Non, non. C'est tout simplement... Des discussions de bar. Puis en as-tu des discussions de bar d'une insignifiance crasse? Exemple. Là, je viens de remarquer que ma caméra était mal positionnée. On va être obligé de retirer le tout, peut-être de resserrer maintenant. Est-ce qu'on resserre? Bon, on va resserrer. Ah, mon Dieu, on aime ça serrer. Collisser. Mais, ouais, les discussions de bar. Non, on voit juste les yeux. Mais hey, t'es pas à télé, t'es à radio. Ben oui, mais c'est pas pour mon public. On va recommencer pour ça. On recommence demain, non, on continue. C'est-tu direct? Hey, nous sommes vendredi, il est 7:00. Comment ça va, toi? Des discussions de bord, comme on disait. Je vais me tasser un peu. Hey, voyons, lâche ton ego puis prends le micro. Oh! Lâche ton ego et prends le micro. Prends ça en note, Gaétan, parce que j'écris mes prends ton crayon et parle. Non, j'écris mes mémoires, puisque dans quelques années, j'en aurai plus. J'ai été l'homme choisi. Etche homo, c'est moi ça. Mais on va vous parler des philosophies de bar avant, OK? C'est qu'il y a des gens qui se présentent dans des épiceries la nuit et s'ajoutent quelques barbacus et arrivent à la caisse en regardant leur barbacus et en discutant avec leur le bigus à côté ou la bigoune à côté. En tout cas, à gauche ou à droite, en haut ou en bas. Des fois, c'est Dieu, on ne sait pas. Et puis, il y a des gros... À un moment donné, là, sur le comptoir, nous avions des montres. Des montres fluorescentes. C'était rétro, on recréait le disco. Mais c'est-tu beau le disco? C'est-tu beau le disco, Madame Thibault? C'est-tu beau? Ah ouais, avec votre fauteuil roulant. C'est-tu beau le disco, Madame Thibault? C'est-tu beau le disco? Arrêtez de voler comme ça, comme un oiseau! Elle volait pas comme un oiseau, en tout cas, c'est une autre histoire, ça. Mais c'est quand? Il y a des... À un moment donné, le gars était devant nos montres fluo, on disait. Mention, ça veut dire comment ça? OK, j'ai le décodeur du déconneur. On est dans le Vieux-Québec, hein, donc le discours est beaucoup plus francophone et soutenu. On prend un accent pour avoir l'air petit. Comment cela, très cher ami, les montres fluo? Ben, parce qu'on vend des montres fluo. Ce n'est pas... Pardon? Attendez, je vais partir. C'est 3h15 du matin, oui. C'était spécial des tequilas, Marias Brebes et Porto Lupidus. Mais, et c'est. Si tu en prenais deux sans faire des grimaces, le reste à volonté. Fait que. Pourquoi on vend des montres? Premièrement, on peut vendre ce que l'on veut de... Comment, monsieur? Mon avocat qui vient de me parler, pardon? De légal, ben oui, on vend tout ce qu'on vend, c'est légal. C'est pas le marché noir, là, même si c'est la nuit, il fait clair. Là, c'est très clair, c'est de l'argent pure race, jamais sorti, appartenu à madame... la sœur Valente, non, la sœur Sourire. C'est celle de la sourire réveillée, hein? Elle chantait quoi, là, la petite madame sourire, là? Son grand succès. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, tout simplement, ouais, tu sais, ding, ding, un petit temps, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Tout simplement, c'est la grippe, hein? Et puis, ouais, comment ça on va des montres? On peut bien vendre ce que l'on veut. On peut proposer. C'est des gens qui disposent. Si moi, je veux vendre des fils de souffleuses au mois de juillet dans mon épicerie, à 75$, puis qu'il y a quelqu'un qui va en acheter un fil, y a-tu le droit de l'acheter, ce fil-là? Si je veux vendre... Bon, cache-toi, ma petite épouse se cache. Hey, on vient de se marier. Pour le meilleur et pour vomir. Non, c'est elle qui est toujours... Oh, j'ai été enceinte. Elle dit, oh, non, tu me lèves le cœur. Comment ça, tu me lèves le cœur? Quand je t'ai embrassé, ben, je suis... Oh, c'est après ça. Parce que nous, on n'a jamais voulu, avant le mariage, se regarder, se caresser, s'embrasser. Tout ce qui agace, agace, hein? On s'agaçait pas. Oh non, on prenait des marches. De chaque côté de la rue. Quand on se regardait, c'était nos ombres qu'on fixait. On disait, ça va bien? Oui. Oh, c'est beau ton vêtement long. Comment ça, tu sais qu'il est long? Ben, c'est que je regarde l'ombrage qui est sur mes yeux et ça me semble tout à fait intéressant. Oh, arrête! Puis là, au mariage, ben, tu sais, il y a le well. Voile, le well. Et tu places le well devant, la femme, la dame, la jeune fille, la demoiselle, la princesse, la Cendrillon. Cendrillon! On a dépensé pour ce spectacle de Walt Disney qui ne durera à peine une année, puisque cet amour n'était pas dû pour vivre longtemps. Car on dit que pour vivre longtemps, il faut savoir aimer et ne rien perdre de ce qu'on a. Ça va bien, hein? Oui, monsieur. On dirait que l'élastique va lâcher. Mais non. Alors donc, on se marie, hein? On se regarde. On s'admire avant de. Mais enfin, c'est au moment où on s'est véritablement court-circuité, là, entrer en relation, là, c'est pas une affaire de psychosocial, là, c'est pas une affaire de psychanalyse, c'est pas une affaire de maladie mentale, là, c'est deux personnes qui se regardent à un moment donné après le mariage, on a-tu le droit de se regarder, on vient de payer, on a payé le gros prix. Si on a le droit, on va regarder notre marchandise, mais c'est du marchandage, l'amour, hein? On regarde l'autre, ouais. Parti pris, ouais. Pas bien beau, mais un beau compte de banque. Ah, le compte de banque, la limousine, la grosse musique sale. C'est un monsieur qui fait de la musique, là. Ouais, puis là, ben, il veut virer country. Ah, il veut virer country. Vire-tu country, mon guitar? Voyons donc, lâche pas la guitare, toi, là. Non, parce qu'il a cassé un doigt. Avec sa bague, là. Son épouse a dit pour la manière, puis là, ça rentrait pas. Comme elle, excusez-moi, c'est mes amygdales qui frottent. Vous entendez-tu? C'est peut-être pas. Ouvrez. Téléchargez l'émission. En balado-diffusion et faites une analepse de 45 secondes et pressez sur jouer et vous allez entendre en fait, c'est à l'intérieur de mon... Il y a eu un son qui... Je vous le recréerai pas, là. Écoutez-le, puis vous allez voir, c'est merveilleux. Spielberg a payé 57 375 628 $ et 17 cents pour créer ce son-là dans Jaws. Jaws. L'éléphant volant, là. Il me semble que c'est pas lui. Ben voyons, tu connais pas tes classiques. T'es un insignifiant qui cherche son ombre comme elle. Là. Puis quand on a communié, on dirait qu'on a discommunié. Puis ça nous intéressait plus. Là, puis, mais moi, je le trouvais pas mal. Là. Elle avait des beaux cheveux. Luisant. Gras, mais luisant. Non, le fond était beau. Et puis les touches, les touffes, les, en tout cas le bout était visqueux. Je me suis dit, ben, elle a peut-être tombé dans chaudière de patates frites. Ouais, je vais vous prendre 3 roteux, 2 graisseuses. Je vais apprendre celle-là, oui. Et les cheveux gras, mais c'est pas. Non, la graisseuse. Oh, les spaghettes. Les spaghettes, je t'aime beaucoup, donc j'ai un respect incroyable, mais c'est pas moi qui parle, c'est mes personnages. Bon, cette émission-là est à prendre à plusieurs niveaux. Je suis comme un spectacle. Quand j'étais petit, je disais quoi, donc? Je disais rien, je pleurais, je pense. Je pleurais, puis je faisais des cadeaux. Ah, des beaux cadeaux. Plus on me faisait manger, plus je faisais des beaux cadeaux. Oh, je suis fort. Encore aujourd'hui, je restais fort ces cadeaux. Je sais pas pourquoi on me dit hey, « tes affaires, ça vaut pas de la... » Mais voyons donc, tu me demandes un cadeau. Mais attends, avec quoi? Quelle sorte de canard? On est rendu à un canard. Et puis vous, ça va bien, les affaires? Votre grand-mère, la petite sœur. Tirez pas les cheveux de votre petite sœur, c'est pas gentil. Ça n'a jamais été gentil, puis ça sera jamais gentil de faire ça parce que ça fait mal. Quoique, il y a des petites sœurs qui sont sans doute qui vont préparer leur vie au salaud 6. Il y a 7% de la population qui exerce ce genre de d'art. Parce que c'est de l'art, du salaud. Quoi, moi, si j'en fais, moi? Moi, j'en fais. Moi, je fais tout ce qu'on propose. Oh, mon douai. J'ai fait les quarts du siècle. Connaissez-vous ça? D'ici quelques années, aux Olympiques, ils vont demander aux experts comme moi de faire les quarts du siècle. Pas le quart du siècle, les quarts du siècle. Bon, au début, ça peut faire mal parce qu'on utilise quand même un objet tranchant pour nous... comment? Pulvériser. Non, pulvériser, c'est un marteau, c'est péter, c'est... Non. Pour nous... Ah, oui. Pour nous fissurer. Fissurer l'avant-génie pour nous étaler de notre connaissance générale. Ça fait pas mal. Et là, au début de l'émission, je vous ai parlé de l'homme au pot de mayonnaise et les clignotants inversés. Ça, c'est le titre de mon impro. Ben, pas d'impro, mais de ce que je voulais vous dire, c'est que le gars du 50 millions de livres de pots de mayonnaise qui a acheté un seul pot, mais qui va rendre j'ai commencé à sortir mon arme de Noël, hein. Et on n'est jamais trop précoce. Je prépare mon café pour le jour de l'an. Puis, je vais faire tomber mon dentier la semaine prochaine pour la fête des pères de 2017. Ah, mon Dieu, hein? 2017, la fin du monde. Savez-vous ça, vous? La date, on me l'a dit, la date de la fin du monde. Je sais même pas si je dois le dévoiler. Ça fait peur. Ouais. Ah, ben, tout le monde s'imagine que ça vient du haut, mais ça va venir d'en bas. Ouais. Mais en tout cas, c'est une autre... Et puis, si vous voulez qu'on vous en parle, ben envoyez-nous des messages subli-rénal, puis Rénal va peut-être sublimer là-dessus. le gars, du pot de mayonnaise, on va le dire, du pot de mayonnaise là, qu'il l'a acheté pour le mois de novembre, puis qu'il doit faire toutes des recettes afin d'expirer avant le 2015 novembre. Je devais recevoir une... Ah, encore là, c'est... vous devez recevoir, je reprends, madame... Non, mais j'ai une dame qui on les appelle les puristes. Les puristes. Il y a heureusement qu'il y en a des puristes, madame. C'est pas juste des infeignants. Hein? Bon. Et puis, donc, cet homme-là, qui travaille dans un supermarché, il fait de tout, mais à l'origine, c'est un boucher. Donc, il tranchait de la viande, voire de la viande du sol. Il aime ça, là. Quand tu vois arriver la bête, là, c'est un bœuf, là. Le bœuf, là. Encore avec la boucane qui sort de nez. Là, lui, il la regarde. Parce qu'il y a le style... comment il s'appelle, lui, donc? Tom Selleck. Il y a encore... Depuis que je le connais, depuis que ma sœur le connaît, mais en fait, c'est une longue histoire que je ne veux pas, parce que lui, si son oreille devient attentive là-dessus, ben, il risque de vouloir me tuer. Il va voir le bœuf en moi. J'ai dit, il va voir le bœuf en moi. Et donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, ben, c'est ça, on va revenir avec le pot de manière. Je devais recevoir une pièce pour mon scooter. Ben oui, mon tabarou, oui, mais mon allemand. T'es mon amour, t'es mon scooter, t'es tout ce que je veux, t'es tout ce que j'ai voulu, t'es mon amour, de la roue au klaxon, c'est pour ça que je l'ai débranché le klaxon, ça m'énerve, puis le système d'alarme, pas de son, mais si je l'ai pris électrique, c'est pas du synthétique, c'est-tu synthétique, c'est électrique. C'est du synthétique ou c'est les deux, synthétique électrique. Donc, lui, le lundi, je devais recevoir une pièce, deux pièces, les clignotants, parce qu'ils étaient brûlés, parce que ça brûle, c'est comme un gars, il se brûle au travail, à faire des missions de pseudo-humour, d'improvisation très peu subtile, ou très souvent, le genre, les nombres, le nombre, le genre, et même quelques bassesses frôlent l'ignominie. L'ignominie. Hey, appelez ignominie. Ignominie. Et le gars de la mayonnaise me dit, t'as pas reçu tes pièces? J'ai dit non, puis je dois me coucher parce que je travaille la nuit prochaine. Il dit, hey, il n'y a pas de problème, mon champion, il n'y a pas de problème. Moi, t'installer ça quand tu vas recevoir les pièces, je vais les attendre. Là, t'as fait, hey, c'est beau l'extérieur, c'est une terrasse. Moi, j'ai fait une petite terrasse. Une belle terrasse, hein? Oui, c'est très beau. T'aurais-tu quelques bières à me procurer? Ben oui. Laquelle voulez-vous, mon cher monsieur? J'ai du champenoise, j'ai du groseille, j'ai de la Muranus. De la Muranus? Pas des affaires de prison, de ramasser le savon, puis Anonymous. Non, c'est pas Anonymous, le groupe avec mon oncle Serge. Non. Quoique, eux n'ont jamais été en prison, mon cher monsieur. Là. C'est, vous confondez musique et malfrat. Quoique, en prison, ça joue de la musique. Hein? Bertrand Cantat a repris des chansons de Bob Dylan. Bob and the Bin. Oh, c'est des grosses bins. Non, bin, de bin, je l'ai tombé. Ah, win, win. Ah, win, oh, mes grosses win. Ah, win, de bin, c'est de grosses win. Win, ah, de win. And it is all the win. Ah, win, de bin, c'est de grosses win. Tout le monde ensemble. Win. Gaétan, tout le monde. C'est avec toi, inclus. Gaétan, tu fais partie du monde, inclus-toi. Gone in the wind, gone in the wind, in the doors wind. Gone in the wind, in the wind, gone in the wind, wind. Gone in the wind, no, don't we? Gone in the wind, gone in the wind, in the doors wind. C'est grand succès. Gone in the wind, gone in the wind, in the doors wind. Excusez-la. Donc, le gars arrive, s'installe sur ma terrasse. Je lui place quelques bières désalcoolisées, histoire de l'abreuver. Il faisait moins 58 presque. Là. Non, mais c'était pas chaud. Le mois de mai, le début du mois de mai, là, mon cher petit numéro 2, ça fait que je la brille. Je lui mets ma toile de scooter. Le facteur va arriver. Faites-en pas. Je m'en vais me coucher. Le facteur arrive avec le colis, mon beau-frère défait tout le truc, place les clignotants, ça s'allume, c'est merveilleux. Je me réveille aux petites heures du soir, non, là, très tard le soir. J'enfourche ma bécane, je pars et dans le coin de Saint-Roch que je me fais interpeller par la police, non pas parce qu'il me suivait. Il discutait avec un véritable grégaire, là, un édenté de la première ordre, qui n'a pas eu une longue éducation, une formation éducationnelle intense, sans doute terminée en maternelle moins 3. Il parlait avec les policiers. Moi, j'ai pas tourné, mon bicycle. C'est pas un vélo, lui. C'est un bicycle. Mon bicycle, il est pas cassé. Moi, je suis cassé, mais pas mon bicycle. Il m'a coûté 5$. J'avais juste 2,5$. Fait que je suis parti avec, mais je suis pas sauvé, je suis pas volé. Moi, là, j'ai tiré 2,5$. Comment ça, il manque 2,5$? Mais attends, m'a frappé. T'es une pote. Moi, OK. On va échanger par des. J'ai 3 beignes. 3 beignes. Peux-tu m'en donner 3 beignes? Puis là, j'arrive pendant cette discussion-là, intense, là. Et moi, je signale vers la droite. Je voulais tourner pour me diriger vers la rue Saint-Paul. Mais là, j'entends « oui, oui », le son que peut faire une voiture de police avec les gyrophares. Je freine. J'ai dit « c'est peut-être parce que je connais beaucoup de policiers ». Non, pas parce que je fréquente la police, là. À l'endroit où j'étais avant, j'ai eu beaucoup de discussions et on écoutait mon émission Errance Rénaldienne. Lorsque je faisais ça en direct, on envoyait les gyrophares, on passait au coin de la 3 puis de la 4. C'était quand même assez mémorable. Si vous regardez des anciennes vidéos, vous allez peut-être voir une voiture de police à un moment donné parce que j'ai viré ma caméra, je les ai filmés, ils se sont sauvés, ils mouillaient cette journée-là, c'était merveilleux. Et c'est vrai, c'est pas inventé. Et pour une fois, j'invente rien, c'est à ce moment-là là, que c'est la vérité. Ensuite, le reste, c'est chimère, chimérique. Ça, c'est pas chimérique. Là. Donc, ça fait... Je m'arrête, je regarde. Peut-être que c'est des policiers que je connais. C'est José Hollande, au là-bas. Fait que là, il y en a une qui me fait un signe en disant que les clignotants fonctionnaient plus ou moins. Là, voyons donc, je regarde, mais ça clignote. Mais je vois bien que ça clignote à gauche et je veux tourner à droite. Et en avant, ça fait l'inverse. Mon beau-frère avait mal placé les lumières. Il reste encore mon beau-frère. Je l'aime beaucoup. Mais là, pendant à peu près 15 minutes avant que j'arrive à Saint-Roch, là, je tournais à droite, puis ça signalait à gauche. Je tournais à gauche, ça signalait à droite. Les gens devaient dire, hey, « Le gars, attention, le malade en avant est pacté. Je l'ai Errance Rénaldienne. » C'est fou, la vie, hein? La vie, c'est fait de tout, c'est fait de rien. C'est la chanson du quotidien, c'est un sourire ou une larme. La vie, merci Reta. Reta. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme rénal de Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne s'en rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention, Facebook veut une... Donc, on l'a dit. Hein? Non, on l'a pas dit, mais on l'a déjà dit. Hein? On l'a redit. Aujourd'hui, le vendredi 29 mai 2015, le dernier jour du mois de mai. Le dernier jour du mois de mai, c'est ça? Le mois de mai s'en va soufflant dans les grands champs improvisés. Et quand soudain, sorti des bois, vient de la dernière fois. Oh mon amour, ne t'en va pas, car tu verras, ce n'est que moi, ce n'est que moi, ce n'est que moi, ce n'est les matines. Aujourd'hui, le vendredi 29 mai 2015, est fin, là, Errance Rénaldienne, c'est fin, oui. C'est fin, c'est gentil, c'est doux. C'est un petit pelage bien propre, puis l'œil un peu rougi par les années passées. à ne pas fermer l'œil de la nuit, du jour, du soir, du matin, et qui regarde enfin ces moments fous, ces moments d'une folie improvisée. Laissons ça la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions ce boulot, parce que j'ai oublié de mettre la colle. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, pas sniffer de la colle, mais placer de la colle. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Je suis contre le sniffage de colle. Et pour nous envelopper dans un... Quoique la colle d'enveloppe que vous pouvez cacheter autrement que par la langue, c'est tout à fait intéressant pour une première expérience. Une première expérience, point. Et puis apaisons la durée. Qu'est-ce qu'il dit là? Ben oui! Ben oui, moi, écoute, j'ai constamment la fièvre des foins, donc j'ai la goutte au nez. Je place ça sur l'enveloppe, c'est terminé, on envoie ça, puis hein? Ça cachette bien, ça cachette bien, ça cachette bien. Et pour nous envelopper dans un enchaînement, un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'artiste Camille Barderi. Camille Barderi est une actrice française. Au lieu de relater son parcours maintenant, laissons-le nous la raconter par son microcosme. En juillet 2014, Errance Renaldienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cette artiste chargée de talent et sublime, très belle demoiselle. Un voyage chargé pour cette nuit presque estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Ben pourquoi pas? Sans calcium chanté par un pauvre homme qui a mauvaise mine. C'est une chanson sans calcium, une chanson à la gomme qui manque de vitamine. C'est une chanson à virus, une chanson sans tonus, elle est épouvantable. C'est une chanson pas dans le vent qu'a besoin de fortifiant, tellement qu'elle est minable. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Les paroles sont squelettiques, la musique rachitique, pas question que ça balance. C'est une chanson sans gimmick, complètement lymphatique, c'est presque une ordonnance. C'est une chanson pas dans le coup, c'est un genre de rock mou, pas pour le hit parade. C'est une chanson anémiée pour maison de santé, une triste salade. 33, 33, 33, 33, 33, 33. C'est une chanson sans espoir qui raconte l'histoire d'une pauvre infirmière amoureuse à en crever d'un docteur diminué aux curieuses manières. C'est une chanson sans issue qui ira pas dans la rue car elle est désastreuse. C'est une chanson imbécile écrite par un bacille pour une intraveineuse. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Le seul avantage qu'elle a, cette chanson rap la plat, il est sur la pochette. Vous ne courez aucun risque si vous achetez le disque, il y a une petite vignette. Découpez-la soigneusement, postez-la sur le champ, faites-vous porter pâle. Et vous serez, croyez-moi, tous remboursés par la sécurité sociale. 33, 33, 33. 33. Alors ça va? Oui, ça va. Ça va, merci. Excuse-moi, j'ai un truc. Je réponds deux fois. Oui, oui, bah, c'est pas important. Oui. Hein. Allô? Oui, salut, ça va? Ah, vous avez de la chance d'être à Avignon, vous, dis donc. Bah ouais, c'est vrai que c'est cool, ça va être rigolo. Ouais, c'est rigolo. Bah ouais, mais moi je suis présentatrice, donc je vais pas avoir à montrer mes biches. Ouais, si ça se trouve. Si ça se trouve. Bon, je... Bon, et moi, je viens vous voir bientôt. Je viendrai boire des coups avec vous la semaine prochaine. Ouais. Ouais, je t'embrasse. Gros bisous. Bon courage. Ouais, Olive. Donc, alors, attends. Juste pour te dire que donc je m'étais renseignée pour l'Algérie, que je m'étais rendu compte que Zig Boom, qui est un spectacle diffusé par Julien et Sandra, avait joué là-bas. Donc j'ai appelé Sandra, j'ai envoyé un message à Sandra tout à l'heure pour savoir comment ça s'était passé. Elle m'a dit, écoute, si c'est le truc que je crois pas très bien, donc appelle Julien pour lui demander. Donc j'ai laissé un message à Julien qui m'a rappelé, on s'est pas eu mais on s'est eu par un message croisé, qui m'a dit que ça s'était pas très bien passé, qu'il lui avait pas payé une partie, qu'il avait jamais réussi à récupérer la partie, qu'il n'avait jamais réussi à récupérer sa marge, que logistiquement ça avait été le bordel, voilà, au niveau lumière, machin, tout ça, c'était pas du tout des gens habitués à recevoir des spectacles, donc ça avait vraiment été le bordel. Voilà. Après, il n'est pas joignable là parce qu'il joue, je crois, jusqu'à ou je sais pas quoi. Il est joignable entre 20 et 21h. Est-ce que tu veux que je t'envoie un texto avec son numéro et les horaires auxquels il est joignable pour que tu puisses voir avec lui si à ton avis on y va ou pas? Ouais, je t'envoie les créneaux auxquels il est disponible pour répondre au téléphone par texto, d'accord? Bon, ça marche. Allez, je t'embrasse, bon courage pour tout. Bisous, ciao. Excuse-moi, c'est un peu le bordel parce qu'on doit partir aller jouer un spectacle en Algérie. Et ça ne fonctionne pas. Mais ça se décide à la dernière minute et les gens, a priori, ne seraient pas forcément complètement honnêtes. Donc avant d'y aller, se retrouver à Alger, je pense qu'il vaut mieux être sûr de là où on va être. Avant de partir. Parce que ça pourrait être une stratégie mal en aide. Bah peut-être que... À jouer gratos. Bah a priori c'est des mauvais payeurs et puis les conditions sur place sont un peu compliquées donc... Okay. C'était pour jouer quoi, une pièce que... C'était mon jeune public et tu sais j'avais un spectacle qui s'appelait La Fémito que j'ai écrit il y a des années avec une copine qui est une comédie musicale qui a bien marché, qui a bien tourné et tout ça et... Et que tu vas prendre l'occasion. Ouais, là ça m'amusait de le jouer parce que c'était Alger que je connais pas et que c'est l'occasion, tu vois. Ah mais t'es occupé depuis 4 ans, on essaye de se rejoindre puis ça fonctionne pas. Ouais, la première fois j'étais posé un lapin. Oui, c'est j'ai ça. J'ai complètement oublié le rendez-vous. Ok, ah y'a pas de problème, mais après et ça c'était... J'étais à Avignon à chaque fois. Exactement, puis cette année tu l'es pas. Non. Parce que t'es commentatrice, c'est ça? Alors à la rentrée, j'ai été prise pour la rentrée. Ok. À quel endroit? Canal Plus. Oh, ok. Et qu'est-ce que tu vas faire? En fait, tu connais l'émission Groland? Oui. Alors, c'est pour présenter l'émission avec Moustique. Alors, tout est préparé d'avance ou si tu vas improviser? Non, c'est j'ai un prompteur. Ok. Ok. Et ça t'excite, là? C'est une nouvelle... T'enregistres déjà, là? Oui. Parce que tu voulais pas parler de... Non, mais c'est surtout, j'ai super soif. Ok, mais vas-y, pas de problème. Pas de problème. Donnez-moi, s'il vous plaît, grenadine. Grenadine. Avec une paille. Avec une paille, mais avec une paille. D'accord. Bien sûr. Je meurs de soif. Pardon? Je meurs de soif. Ben oui, ben je comprends, scooter. Mais tu roules pensablement, t'es très occupé à chaque fois. Bah écoute, ouais, tant mieux. Oui, ben oui. Mais là, a priori, je vais faire quelques dates de tournée avec le jeune public en juillet. Ouais. Après, je tourne un film en août. Avec qui? Au Maroc, dans des conditions. En fait. J'écris aussi. Oui. Et j'ai écrit un film avec mon amoureux et un réalisateur qu'on a tourné l'année dernière avec trois bouts de ficelle et trois vraiment pas d'argent dans des conditions à l'arrache et tout mais okay, c'est bien ça. Mais comme moi à chaque fois j'écris des films, des scénarios et j'attends longtemps avant que ça se fasse et du coup ça se fait jamais parce que ça se traîne tellement que voilà. Et pour l'instant je suis pas connue comme scénariste et puis j'aspire pas forcément à le connaître, j'aime bien écrire mais je fais ça pour le plaisir. Oui, et puis quand je travaille pas et voilà parce que au lieu de rien faire, tu veux rester actif. C'est ça. Et en fait, on a tourné un film, on a fait un moyen métrage en une semaine, donc qui dure 45 minutes. Et on a fait une projection là cette année, et en fait, il y avait des gens de France 2 qui étaient là, et en fait, ils nous ont acheté le film. Donc, ce qui est incroyable, c'est de dire que même tu peux faire des choses complètement avec rien. Presque amateur, entre guillemets. Et l'argent peut venir après. Parce que, est-ce que c'est toi qui vas réaliser ou ils vont faire affaire avec C'est toujours lui, merci. C'est toujours, il s'appelle Eric Bu, c'est toujours Eric Bu qui réalise. Ok, que tu connais très bien. Que je connais très bien. Après, moi, je m'écris des rôles sur mesure. Ok. Par rapport à ce que j'ai envie de travailler. Ça fait du bien, hein, quand on a soif. Ah, ça, là, tu vois, c'est... Ah, tellement. Ça, c'est les petits côtés plaisants de la vie qu'on oublie souvent. Voir quand on a soif, et c'est comme une délivrance. Ah, la vache. Ah, ah. On renaît. Vive la bière avec une bonne crème mousse au-dessus, tant qu'il n'aura d'un fût, chantons sur les tétus. Mettez un verre et sache, mon frère, que si te zigzag quand il fait noir, là où il y a de la bordure, il y a du trottoir. Godewars, le paradis du houblon, c'est mon patelin, mes compagnons. Et quand je suis sorti pour leur faire honneur, 52 000, ça me fait pas peur. Y en a qui mettent du liquide de côté, biste au milieu, j'aime mieux le verser. Car je ne tiens pas comme tous ces milliardaires à être le plus riche du cimetière. Et je dis hop, hop, hop, vidons nos chopes. Mettez un verre, vive la bière, avec une bonne crème mousse au-dessus, tant qu'il n'aura pas le fût, chantons sur les tutus. Mettez un verre et sache, mon frère, que si te zigzag quand il fera noir, là où il y a de la bordure, il y a du trottoir. 90, 110 kilos, et encore je ne compte pas les os. Je ne suis pas ch'ti là qui déchaîne voiture pour regarder passer ce figure. D'ailleurs dans le Nord on est des gens comme ça, on n'est pas des vieux d'embarras. Même si te sais payer des caleçons de soie, les mettre là sur l'autre, te ne sais pas. Aussi je dis hop, dans nos shops. Mettez un verre et sache, mon frère, que si te zigzag quand il fera noir, là où il y a de la bordure, il y a du trottoir. T'es là jusqu'à quand, toi? Jusqu'à samedi. Dans 72 heures, je prends l'avion. Mais tu viens toujours à cette période-là? Oui, le dernier jeudi du mois de juin et je quitte le premier samedi du mois de juillet. À chaque année. Pourquoi? C'est une maladie mentale. Non, c'est... non, c'est... Parce que moi, j'ai plusieurs boulots. Je travaille de nuit. Je suis caissier de nuit. Je suis aussi aidant naturel. Et quoi? Aidant naturel, c'est-à-dire que ma mère souffre de démence et d'Alzheimer. Donc, c'est moi qui m'occupe d'elle et qui m'occupe aussi de la bureaucratie. Donc, je signe à sa place, je prends des décisions à sa place. Donc, je ne peux pas prendre des vacances. T'es tuteur, ben, oui, chez nous, on appelle ça aidant naturel. Je suis tuteur, oui. Je représente ma mère. D'accord. Et donc, je ne peux pas prendre des vacances quand je veux. Comme j'ai une sœur, on essaie de chevaucher pour que lorsque moi je suis en vacances, ma sœur puisse être là et vice-versa. Là, le 23 juin, j'ai entré ma mère d'urgence à l'hôpital en ambulance puisqu'elle a tombé à elle a un problème technique. Et j'ai presque annulé ma rencontre, mes rencontres ici, mais là j'avais trop de choses entamées que je pouvais presque pas refuser. Donc à l'arrache, je me suis déplacé. Je suis en communication constante avec le Québec, donc pour voir ce qui se passe. Et voilà, c'est ça. Mais je suis toujours au même moment. Presque à la même place, ici, la rue des Abbesses. Le matin, c'est le Bruant. Ici, l'après-midi, c'est le Sancerre. Et encore plus tard, quand j'ai des gens de fin de soirée, après leur pièce, on va au Saint-Jean ici. Donc, je rencontre des artistes, des comédiens, des chanteurs, des restaurateurs. Je rencontre des plasticiens. Qui d'autre? Donc, j'ai rencontré... plein de sortes de créateurs. Je ne suis pas non plus arrêté sur... Je vais beaucoup au théâtre. Et il y a 4 ans, j'ai vu ta pièce. Mmh. Et c'est une pièce qui est reprise constamment. Tu l'as repris à Avignon il y a 1 an, c'est ça? Je l'ai repris, je l'ai joué 400 fois. Oh, c'est incroyable. On a fait le tour de la France avec... Ouais. C'est un spectacle qui a une vie formidable. Ce qui est aussi un spectacle qui a été fait avec 3 francs 10 sous au départ. Je me demande si à l'époque où tu l'avais vu, c'était pas le tout début. On n'avait pas de costumes, enfin on avait des... Ah non, mais quand je suis allé voir, il y avait des costumes. Il y avait des belles choses déjà? Oui, il y a 4 ans, oui. Je suis pas sûre, parce qu'après, en fait, on petit à petit... En tout cas, il y a belles choses, c'est relatif. Et puis, on n'avait pas de décor, on a juste 2 chaises. Ah oui, c'est ça, oui. Et petit à petit, en fait, on a gagné de l'argent avec ce spectacle. On a acheté un décor, on a acheté des beaux costumes, et c'est beau. Il y avait un chapeau haute forme. Non? Ah, peut-être. Il y a 4 ans. J'ai pas. OK. Est-ce que ça a été modifié avec le temps? Parce que quand tu joues... Ah oui. Oh, mais attends un petit on peu. A changé les scènes. Oui. On a changé les scènes. On en a rajouté, enlevé. Tu t'amuses avec cette pièce-là. On a fait 1 milliard de trucs. Et puis surtout, on a cherché la forme la plus aboutie. Moi, c'était difficile pour moi parce que moi, j'ai du mal à remettre en considération, à revoir la pièce. À tout rechambouler et tout. Et mon partenaire, en revanche, qui était l'initiateur du spectacle avait vraiment le désir d'aller plus loin, de faire évoluer et tout ça. Donc à chaque fois, je râlais et tout. Et puis en fait, il avait raison. Et à chaque fois, on allait encore plus loin. Mais au tout début, lorsque tu étais petite, est-ce que tu te montrais en public? Est-ce que tu faisais des petits spectacles? Est-ce que tes parents disaient « Oh, voici la petite Camille qui va nous faire une chanson » ou « La petite Camille qui va nous jouer une pièce de... » Ah oui, la petite Camille, elle aurait fait n'importe quoi déjà pour qu'on la regarde, pour attirer l'attention. Non, j'ai toujours adoré ça, mais j'ai toujours... Est-ce que t'es née à Paris? Je suis née en banlieue parisienne, donc à Saint-Cloud, dans la banlieue bourgeoise. Et je sais que, en fait, j'avais un rapport très violent avec la scène. C'est-à-dire que c'était des moments très pénibles, mais j'avais l'impression de m'être dépassée après, d'être sortie de ma zone de confort. En France, Mais très vite, ouais. J'avais l'impression que d'un coup, la vie, elle devenait palpitante, intense, extrêmement angoissante. Bah oui, de vivre, de faire des choses devant des gens. Les représentations se représentaient. C'était vraiment des moments cauchemardesques, c'était vraiment des moments très difficiles, nerveusement, mais qui me faisaient me sentir tellement vivante, en fait. Ça, du théâtre vivant, c'est pas pour rien. Hein. Tu mets en scène des gens, tu peux te tromper, tu peux recommencer. La semaine prochaine, ce sera autre chose. Et le lendemain, ça m'a l'été parce que t'as mal dormi, mais bien ça sûr. Ira mieux. Bien sûr, mais heureusement qu'à un moment, j'ai commencé à être heureuse de jouer. À souffrir, oui. Ouais, mais ça a été de la souffrance pendant très, très, très longtemps. Ah oui? Et ça allait encore parfois. Mais t'as fait des écoles? Ouais, j'ai fait des écoles. D'abord, j'ai fait une maîtrise de droit, moi. Après mon bac. Après ton bac, oui. Ouais. Voilà, c'était un deal avec mes parents, ça rassurait tout le monde. Moi, ça me rassurait de savoir que je pouvais faire des études et que voilà, j'allais pas être actrice parce que j'étais pas capable de faire autre chose. Voilà. Et puis après, j'ai fait une école, ouais, et puis j'ai fait plein de choses. Non, pas l'école Florent. Non, j'ai fait un cours privé qui était une espèce de laboratoire de l'acteur, un truc. Acteur studio, en fait. Ouais, qui était avec des méthodes, ces méthodes-là, plus des méthodes. C'était un bon mix entre des choses assez classiques et ça préparait quand même au conservatoire. Il y avait quand même des cours d'alexandrin, des choses assez... Et moi, j'aime bien ce théâtre-là aussi classique et tout ça. Et aussi, il y avait toutes ces méthodes qui font qu'on part de l'acteur et pas... d'un savoir à lui qu'il faut l'abreuver, mais qui part de vraiment qu'est-ce qu'on a à raconter, qu'est-ce que chacun a raconté, qu'est-ce qui fait de la singularité, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur chez toi pour que tu montes sur scène, qu'est-ce que tu as à offrir de particulier, que d'autres ont... mais qu'est-ce que toi que les autres n'ont pas, c'est ça? Essayer de révéler un peu... Que les autres n'ont pas, je sais pas, mais qu'est-ce que tu as en tout cas? Ok, ok. Qu'est-ce que tu as envie, pourquoi tu as envie de monter sur scène, qu'est-ce qui vibre Gamin de Paris, mis-moi jolie, c'était une petite ouvrière. Mimi Pinson était son nom, elle vivait seule avec sa mère. Chaque soir en rentrant de son atelier, il fallait la voir trottiner. Car la petite songeait tout en se dépêchant au conseil donné par sa maman. Voici la nuit, le jour s'enfuit. Allons Mimi, rentrons vite au logis. Songe bien si parfois tu t'arrêtes, que là-bas la maman est inquiète. Dans le dodo, il fait si chaud, lorsque l'on dort les heures semblent si brèves. Et toujours la nuit trop tôt s'achève. Allons Mimi, rentre vite au logis. Allons Mimi, rentre vite au logis. Mimi Pinson, d'un beau garçon, un certain soir fit la conquête. Avec le temps, chemin faisant, cela devint une amourette. Chaque soir il disait pourquoi donc rentrer, et Mimi faillit lui céder. Mais chaque fois au moment de faire le faux pas, une voix lui murmurait tout bas. Voici la nuit, le jour s'enfuit. Allons Mimi, rentre vite au logis. Songe bien si parfois tu t'arrêtes, que là-bas la maman est inquiète. Dans le dodo, il fait si chaud, lorsque l'on dort les heures semblent si brèves. Et toujours la nuit trop tôt s'achève. Allons Mimi, rentre vite au logis. Allons Mimi, rentre vite au logis. Le beau galant, alors voyant que Mimi voulait rester sage, s'en fut gaiement à sa maman, la demander en mariage. Et depuis il vient la chercher comme avant, car elle est sa femme maintenant. Bras dessous, ils vont tout joyeux, et c'est lui qui murmure amoureux. Voici la nuit, le jour s'enfuit, allons Mimi, rentre vite au logis. Loin des yeux de la foule indiscrète, j'aime tant notre doux tête à tête. Dans le dodo, il fait si chaud, lorsque l'on s'aime, les heures semblent si brèves. Et toujours la nuit trop tôt s'achève. Allons Mimi, rentre vite au logis. Allons Mimi, rentre vite au logis. Ce qu'il était beau, le petit bal des ruraux, dans le canton à Dillieux. On ne faisait pas mieux, les musiciens jouaient vraiment très bien, renforcés au clavecin par le curé et le sacristain. Au profit des œuvres de la paroisse, le comité avait organisé un bal au raccro de la Ducasse. Pour les paroissiens de la contrée, par chemin sentier battu, ils étaient tous accourus, les gars du pays et les enfants de Marie. Ce qu'il était beau, le petit bal des ruraux, dans le canton à Dillieux. On ne faisait pas mieux, les musiciens jouaient vraiment très bien, renforcés au clavecin par le curé et le sacristain. Rosière assistée de Philomène avait mitonné des petits fours. Religieuses et tartes à la crème s'étalaient près des palais d'amour. Sodas et crèmes glacées ne risquaient pas d'énerver les gars du pays et les enfants de Marie. Ce qu'il était beau, le petit bal des ruraux, dans le canton à Dillieux. On ne faisait pas mieux, les musiciens jouaient vraiment très bien, renforcés au clavecin par le curé et le sacristain. Mais mais le soir sous la lune propice, quand tous les lampions s'étaient éteints, le silence du trombone à coulisses donna le départ des musiciens. C'est alors que dans les fourrés, tendrement, ils roucoulaient, les gars du pays et les enfants de Marie. Ce qu'il était beau, le petit bal des ruraux, dans le canton à Dillieux, on ne faisait pas mieux. Les paroissiens se défendaient très bien, n'ayant la plus besoin du curé ni du sacristain. Pour moi, le symbole vivant des amours romantiques qu'on découvre à 30 ans. Ton corps me fait vibrer, dans tes bras je m'enivre. Mon cher Albert, mon cher Albert, lorsque tous deux ensemble nous vivons, mon ventre sur ton dos formant un édredon, que j'ai donc du plaisir à contempler ta nuque. Mon cher Albert, mon cher Albert, tu fais pour moi des choses aphrodisiaques. Tout nu dans la cuisine, tu me lis du Mauriac. Lorsque j'entends ces mots, je l'avoue, ça m'excite. Mon cher Albert, mon cher Albert, comme Pollux et son copain Castor, comme Isette et Tristan, comme Sodome et Gomorre, nous sommes réunis par un amour unique. Mon cher Albert, mon cher Albert, je vais pourtant encore te demander une dernière grâce pour mieux me contenter. Lorsque tu viens m'aimer, garde donc ta soutane. Mon cher Albert, mon cher Albert, oh mon cher Albert, mon petit Albert, oh mon bel Albert, oh mon amour d'Albert, everybody sur Albert, oh mon cher Albert, tous ensemble avec Albert, oh mon petit Albert, encore une fois sur Albert, oh mon amour d'Albert. Et là, tranquillement, je t'ai fait connaître par tes pères, donc il y a des gens avec qui tu travailles, c'est une clique, hein, là tu viens de parler avec quelqu'un qui fait partie de ton regroupement. Ouais, après, moi j'ai pas trop, ouais. J'ai pas trop fait de famille, fondé de famille avec les gens de mon école. Okay. Mais après ouais. En revanche, après, en sortant, je me suis confrontée à la réalité qui est quand même à Paris extrêmement difficile. Incroyable. Moi, je me rends compte, parfois, je pleure, je râle, je me dis que j'ai pas assez de boulot, et mon mec, il me dit, mais t'es dingue, tu te rends pas compte, tu travailles tout le temps. Jamais assez pour toi, jamais assez trop pour toi. Non, mais de toute façon, je suis une angoissée, je pense que la plupart des comédiens le sont. Ouais, et, ouais, ouais. Et moi, c'est terrible. Moi, j'ai une rentrée, je vais faire la tournée de Joyeuse Pâques avec Roland Giraud. C'est la pièce avec Sophie Marceau. Voilà. Roland Giraud la joue dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau. Et, à la rentrée, j'ai 80 notes de tournée dans toute la France, dans le rôle de Sophie Marceau, ouais. Qui est génial. Donc, je vais faire des zéniths, des espèces d'énormes théâtres partout. C'est ta première grosse pièce de théâtre ? Là, j'en ai fait une à la Gaîté Montparnasse. Ouais, tu fais ça ? Ouais, j'ai joué dans la pièce de Marc Esposito cette année, qui est un réalisateur de ciné, qui a fait Le Cœur des Hommes, qui a fait 5 ou 6 longs métrages et qui a écrit sa première pièce de théâtre qui s'appelle Rendez-vous en boîte. Okay. Et voilà, donc j'ai joué ça. Télématin, on a parlé. L'émission Télématin. Alors non, parce qu'en fait, on s'est arrêté avant. Moi, c'est moi qui devais faire Télématin parce que on se connaissait déjà avec, oui. Avec le mec de Télématin. Oui, parce oui, que oui. J'avais les fait. Cheveux blancs, là, ouais, parce que j'avais fait. Je vais le rencontrer, mais là, il est parti dans son petit pays natal. Je crois qu'il reste à Vendée. En fait, j'avais fait un couple presque parfait avec lui et ça s'est hyper bien passé. Et en fait, On était pas mal dans rendez-vous en boîte, mais il voulait que ce soit moi qui le fasse. Parce que à chaque fois, il choisit deux personnes. Oui, oui, c'est ça. Il voulait que ce soit moi parce qu'on se connaissait. En fait. Oui, c'est ça. Mais il ça ne s'est pas fait. Ah, okay. Parce qu'il est parti en vacances avant. Parce que la pièce s'est arrêtée avant. Ah, ok, ok. Mais tu as aussi fait une petite apparition dans le film de Gavras. L'hôtesse de l'air, non? Ouais. Non, tu t'en souvenais plus? Et puis, comment ça s'est passé de travailler avec un grand réalisateur qui a fait Z? Pourquoi tu t'en souvenais plus? Tu avais comme effacé? Non, ben oui, mais parce que c'est un tout petit quelque mais chose. Mais pas? T'es au générique? Ben oui. Bon. Alors, tu as participé à ce film-là. Tu fais l'hôtesse de l'air, hein? Je pense que j'étais au générique. Ben oui, mais ils n'ont pas le choix de placer au générique. Je sais pas si j'étais silhouette ou... Non, mais t'as-tu un dialogue? T'as-tu ouais, je disais trois phrases, hein? Ben, c'est pas grave. Alors, ils sont obligés d'application générique. Alors, t'es payé en conséquence du dialogue, parce que c'est moins cher quand tu dis rien. Ouais, ouais. Je sais plus. OK, en tout cas, t'as participé à un film de ouais. Gavras qui a duré combien de temps? 2-3 jours? Ouais, je m'en rappelle même pas. C'était il y a longtemps, hein? C'est au moins ben non, ça fait 2 ans. 2 ans? Oui. Non, 3 ans, au moins. Ah, oui? Le tournage, au moins 3, voire 4 ans. Non, 3 ans, parce qu'il y a 4 ans, c'était ta pièce de théâtre que j'ai vue. Un an après, tu étais heureuse parce que tu faisais ce rôle-là et tu avais pu présenter des photos sur ton Facebook. Ah oui. Donc, c'est ça, il y a 3 ans. 3 ans. Ouais, franchement, anecdotique comme expérience. OK, alors on n'en parle pas. Est-ce que tu l'as rencontré? Bah oui, je l'ai rencontré, mais... Non, ça n'a pas été... Non, mais tu sais, quand t'as rien à faire, quand t'es à côté des stars, de Gad Elmaleh, de Hippolyte Girardot, tout ça, en fait, non. Bah, t'existes, t'as rien à défendre, tu vois. Ok, c'est comme l'accessoiriste. Là, si je suis contente, c'est qu'avec Groland, avec Joyeuse Pâques et tout ça, j'ai l'impression enfin de passer une étape, d'être rôle principal au théâtre, face à une grosse tête d'affiche, je vais avoir une hebdomadaire à la télé. Oui, à Canal Plus. Et sur Canal Plus, ça risque d'être un super tremplin. Mais au théâtre, là, le fait de jouer une pièce aussi prestigieuse, le cachet doit être intéressant aussi. Enfin, il y a quelque chose qui va arriver. Le cachet est pas plus important que lorsque tu fais une pièce. L'argent? Oui. L'argent, le cachet. Oui, bien sûr. OK. Ok, alors là, c'est intéressant. C'est pas démesuré, hein. De toute façon, il y a l'impression qu'il n'y a plus d'argent partout. Hein. Okay. Même j'ai eu mon agent au téléphone tout à l'heure, on a parlé argent pour Canal+. C'est rien, c'est ça. J'étais éberluée de ce qu'il proposait, vraiment. Ben, j'ai connu y a une chanteuse qui a fait une émission sur France Inter, il paraît, une quotidienne, 200 euros par émission. Puis c'est une émission d'une heure et demie à chaque jour. 200 euros, c'est vrai. Ouais, la radio, c'est encore pire. Hein. Ah oui, 200 euros. Mais la télé, moi, si tu veux, c'est pour moi. Et elle écrivait, là, une heure et demie, elle écrivait à peu près 45 minutes. Le reste, c'était de la musique. C'est fou, hein? Ouais, non, c'est fou. Oui, alors oui, je t'écoute. Moi, je suis un peu... Bon, après, ça ne demandera pas beaucoup de boulot, moi, perso, mais... En fait, c'est par rapport à l'image, parce que moi, déjà... Tu vas te faire connaître. Non, mais déjà, si tu veux, ils ont traîné à me donner la réponse que j'ai passé un casting au milieu de, je sais pas, 300 mauvaises, tu vois. C'est quand même bon être choisi parmi 300. Oui, et puis en plus, ils veulent absolument que ce soit moi et tout. J'y suis allée, j'ai tourné un pilote, il fallait que ce soit validé par la direction de Canal. Ça a été validé par la direction de Canal. Je l'ai su mercredi dernier. Il m'appelle, il faut... Ah oui, c'est bon, et demain, t'as ton nom à la presse. C'est quoi? Et moi, j'ai rien négocié, rien signé et tout ça. Et le lendemain, j'avais mon nom, le Parisien, qui est un journal quotidien extrêmement lu à Paris, avec ma photo et mon nom et un article disant historique, machin, une femme chez Groland et tout. Et j'ai halluciné, si tu veux. Est-ce que ça te donne sans rien, juste le prestige d'un jour? Au niveau monétaire, ça ne donne rien. Bah, et là il propose pour l'instant assez peu. Mais vraiment. Non, mais peut-être que si c'est apprécié et si c'est renouvelé, c'est là que le cachet va monter. Oui, de toute façon, il faut que je le fasse quoi qu'il arrive. Mm-hmm. Parce que pour moi. Mais tu sais, quand t'es exposé, quand t'es déjà associé à Groland, c'est quand même une émission qui est trash, qui est extrêmement un peu punk. Toi, t'aimes ça, là, parce que t'as... Moi, je trouve ça... Enfin, du coup, je regardais pas trop. Du coup, j'ai beaucoup regardé. Et bien là, ils s'intéressent quand on sait comment on peut travailler pour... Bah oui, déjà, savoir si je m'y reconnaissais et tout ça, tu vois. Et je trouve... C'est quelque chose. Ouais, je les trouve. C'est pas ta planète. Je les trouve. Si, pourquoi pas. Si, ok. Si. Moi, et je tu les trouves comment? Bah, hyper libre, hyper, hyper trash, hyper irrévérencieux. Je trouve qu'ils osent des trucs que personne n'ose faire. Et tu revendiques. Et ouais, après, d'être associé à ça, ça va faire que ça va me donner une image, tu vois. Oui. Que tu voulais pas nécessairement comme ça. Bah, en tout cas, qu'il va falloir que j'assume comme ça. Oui. J'ai connu des tas de filles, des tas de garçons aussi. Mais quand j'ai connu Camille, ah, quel trouble dans ma vie. Camille n'est pas très fille, n'est pas très garçon non plus. Comment t'expliquer Camille à ceux qui l'ont jamais vue? Camille est assez spéciale, il ou elle, je ne sais plus, ressemble à une amygdale aux extrémités fourchues. Certains trouveraient atroce son corps car un peu partout où devrait y avoir des bosses, chez Camille il y a des trous. Comment décrire Camille? Canicu, ni sein, ni dos. On dirait une chenille ou un dessin de Picasso. C'est comme un intestin grêle avec une tête au milieu. Un gros triangle isocèle pour souffler jaune et visqueux. Chaque nuit avec Camille, je m'envole vers les cieux. Je suffoque et m'écarquille, je plane, je suis heureux. C'est vraiment l'apothéose des voluptés de l'amour. Mais la meilleure des choses ne peut pas durer toujours. Quand le premier soleil brille, venant mettre un point final à l'étrange cérémonial Camille, quand le petit jour évince la nuit de mon bonheur nuptial, je prends Camille avec des pinces et la remets dans son bocal. Je prends Camille avec des pinces et la remets dans son bocal. Parce que t'es autre chose que ça, mais tu vas être surtout associé à ça. Bah, après, je sais pas si on proposera tout de suite des rôles de jeune fille romantique, par exemple, tu vois. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, je pense que ça se refuse pas, voilà. Parce que tout le monde a besoin de travail. Ouais, après, ben, le truc, c'est que je vais faire des photos la semaine prochaine chez Canal et tout. Je vais être d'un coup, à la rentrée, je risque d'être assez exposée. Ce qui m'est jamais arrivé. Là, je vois déjà mes bios sur Internet et tout ce qui raconte n'importe quoi. Sur les pubs, des vieilles pubs que j'ai faites, qui sortent et tout. Pourquoi tu ne demandes pas à ton tourneur ou à ton agent de retravailler ça? Mais parce que c'est sorti, ça y est, il y a des trucs... Ok, elle a plus rien à faire. Non, il y a des... On peut dire des conneries, ça, c'est... Bah, de toute façon, ça fait partie du truc. C'est pas méchant, tu vois. Non, mais c'est un peu... Comme moi, j'ai fait beaucoup de pubs. Hein. Télé, radio. Ouais, télé, j'ai fait, je sais pas, une dizaine. Ah, t'as une visibilité à la télévision. Même une bonne douzaine de pubs. Ouais, là j'en ai deux qui passent en ce moment. En ce moment j'ai McDo et Skoda. Ok, Skoda c'est quoi? Des voitures. Ok. Volkswagen. Et puis surtout tu roules en scooter. Donc... et McDo. Non, mais ils te ressortent les pubs. Mais McDo c'est quoi? McDo c'est bon, McDo c'est. Elle est bonne cette salade César. Ah, oui. Tu l'as eu où? Chez McDo? Non, arrête. C'est pas possible, pas chez McDo. Si. Enfin bon, bref, c'est ce alors, genre de truc-là. Avec une autre personne? Ouais. Une discussion? Ok. Et ça, c'est un rôle sans doute à la télévision. Bah, les pubs, ça n'a pas d'autre intérêt que pécunier. Mais... Oui, mais en même temps, est-ce que les gens te reconnaissent? Oui, tout le temps. Pas les gens que je connais pas. Non. C'est une manière de faire un clin d'œil aux gens que je connais. Ok, mais les gens dans la rue, ah, c'est toi la fille du McDo, non? Non. Ok. Mais c'est pas juste la voix, c'est ton visage aussi. Non? Oui, mais bon, de là à vous reconnaître, les pubs, c'est tellement... C'est rapide. C'est 15 secondes, 20 secondes, ouais, donc... Mais là, ça risque d'être... davantage la réalité sur Canal Plus à la rentrée. Ah oui. Cela dit, j'ai un vrai personnage, ils m'ont écrit un vrai personnage avec voilà qui va. Ils ont une idée forte qui à mon avis va être en plus très critiquée et avec laquelle il va falloir que. Tu travailles avec et que tu l'acceptes. Que j'assume et tout ça. Mais ils ont une idée assez drôle, hein, mais forcément ils dénoncent, c'est une satire, forcément c'est ironique. Toi, tu risques d'être la fille objet ou quelque chose du genre, non? Oui, ça peut. Ça peut beaucoup, oui. Mais ça, c'est obligé aussi que ça évolue. Ah oui, bah alors. C'est la première saison, donc on ne sait pas où ça va. Voilà, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas, je pense que... Est-ce que c'est diffusé sur Arte Grande Écoute ou... C'est à 20h30 sur le samedi soir. Oh oui. Puis l'hiver, on fait juste ça regarder la télé. Hein. Donc, on a une visibilité... C'est quoi, c'est une heure, 60 minutes? C'est quoi? C'est 60 minutes. Non, c'est une demi-heure. OK. Mais au théâtre, la différence entre travailler avec les enfants et les adultes, il y a quand même un intérêt intéressant de travailler avec des enfants. Entendre le public avant d'entrer sur scène, les 10 enfants, les parents, puis installez-vous, n'oubliez pas, là, ça va commencer. Puis c'est des gardiens en haleine aussi. C'est... Parfois, c'est de l'horreur. Bon, okay. Quand on en a des. Tout petit. Des un peu déchaînés. Tu vas dans les écoles ou ils vont au théâtre? Non, ils vont au théâtre. OK. Non, moi, je ne veux pas c'est dans les écoles. C'est des sorties théâtre. OK. Nous, on a joué dans les théâtres, ouais. Moi, franchement, c'était une bonne école, c'est une bonne expérience. Et c'est pas le terminé, mais tu vas aller jouer sans doute. Ouais. OK, ouais. Pas sûr. Pas sûr, mais ouais, les petits Algériens. Ouais. Non, mais ouais, c'est intéressant. Après, c'est pas ce que je préfère. Pourquoi? C'est exigeant, hein. Puis c'est ingrat aussi. C'est ingrat. Ouais. C'est moins excitant parce que les adultes, tu sais pas qui est dans la salle. Déjà, quand tu joues à Paris, tu sais jamais qui est dans la salle. Cela dit, j'ai jamais autant de réalisateurs de cinéma qui sont venus me voir au théâtre que dans mon spectacle jeune public. Okay. Parce qu'ils venaient avec leurs enfants et tout ça, que c'est beaucoup plus facile en fait de les inviter, de les faire venir pour les enfants. Sauf que moi, dans le spectacle, j'ai des énormes tresses, des lunettes. J'ai vu des photos. Triple foyer, je ressemble à rien. Non, je suis vraiment. T'es rigolote. Mais je suis rigolote. Ah, oui, oui. Donc c'est sûr que ça donne pas, ça projette pas des milliards de rôles. Réalisateur, oh, regarde-moi le pétard, le mec du côté de l'allô. De toute façon, je crois que d'une manière générale, le théâtre pour les réalisateurs de cinéma ne font pas forcément le lien avec l'image. Mais, c'est fou, hein. Il faut qu'il t'ait vu dans un film pour avoir envie de te mettre dans un autre film. Et voir au théâtre, il y a quelque chose qui... Il n'y a pas de lien pour eux. Non, théâtre, parce que c'est pas le même métier, parce qu'ils se disent que... Mais en même temps, le cinéma peut t'amener au théâtre, mais l'inverse est très rare. Ouais, après, c'est pareil, c'est pas le même métier. Faut avoir l'endurance, oui. La technique... Surtout le recommencement, toujours recommencer au théâtre. Oui, et puis le côté sportif, enfin, vraiment... Énergique, ça prend de l'énergie. Ouais, c'est un... Pour moi, c'est vraiment un métier d'athlète. C'est difficile, nerveusement, c'est très difficile. Il faut vraiment pouvoir gérer ça. Moi, tu vois, ça fait quand même des années et je me rends compte parfois des états dans lesquels je me mets, du stress encore. Qu'il y a des gens soi-disant importants dans la salle. On devrait te le dire à la fin, donc au début. Ouais, mais bon, voilà. C'est parti de la vie, tu peux pas faire en même temps. L'année dernière. Parfois, ça te galvanise, ça te donne encore plus d'énergie. Parfois, c'est le contraire, ça te sabote. Ça peut tuer, oui. L'année dernière, je suis allé voir Francis Huster, une pièce sur la religion, je sais pas si ça dit quelque chose. Il était habillé en curé, il fait le rôle de curé. Bon. Et Michel Bouquet était là, il l'a su à la dernière minute. Quand les lumières se sont allumées, il a vu Michel Bouquet qui était juste à côté de moi. Ils ont préparé un banc pour Michel Bouquet. Imagine que lorsque je l'ai vu en dehors du théâtre, c'est un homme tout à fait vieux, vieux et usé. Et sur scène, quand il prend son Molière, parce qu'il est actuellement en tournée, là, il est jeune et rafraîchissant. C'est étrange de le voir une fois sur scène, une fois dans la vie de tous les jours. C'est là que tu te rends compte que le théâtre et la lumière peuvent remonter l'énergie et la fébrilité d'un humain, même si tu as 85 ans comme Michel Piquet. Mm. Ça donne le feu sacré. C'est vraiment le yin et le yang. Je trouve ça étonnant. J'ai été surpris. Tu sais, en arrière-scène et devant la scène, c'est vraiment deux choses différentes. Et ça ne me surprend pas qu'on n'est pas tout le temps sur l'adrénaline, hein, on est soi-même. Et Michel Bouquet, c'est pour moi un des grands comédiens actuels encore.

inquiété. Tu as demandé de l'eau, genre. Oui. Très teinté, il y a Sandrine qui jouait dans un rôle, le bonheur. Sandrine Bonheur jouait dans une pièce de théâtre. Et là, présentement, c'est la même pièce de théâtre, mais elle ne joue plus dedans. C'est une autre comédienne. Est-ce que ça arrive souvent? C'est fait remplacer. Mais c'est pas de Boris Vian, là, c'est. Est-ce que ça arrive souvent? Ouais. Ah oui? Pourquoi? Comment ça? Ben là, c'est compliqué parce que c'est... Est-ce que tu peux prendre un petit peu? Bien sûr, okay. Je prends une lumière, Pardon? Ah, c'est à moi? Oui. Ah, merci! Ah, merci. Ok, je pensais que c'était pour toi. Maintenant, je vous remercie. Ah, merci, ok, ok. Oui, vas-y. Ouais, quand c'est une star, c'est plus rare quand même. Ben oui. J'ai voulu aller la voir, mais comme c'était pas elle, j'ai pas acheté de billet. Je suis allé voir DeVos, qui joue une pièce. Ah, je crois que c'est super, non? Oui, très très bien. Très très bien, mais ça vaut pas le prix du billet. 46 euros. Très cher. Mais ça vaut pas les 46 euros. J'ai vu des pièces beaucoup plus intimistes, et, mais elle est extraordinaire. Extraordinaire. Et en face, Edouard Baird? Pardon? Edouard Baird en face. Ah oui, exactement. Exactement. Un grand bonhomme hein, que j'ai vu au cinéma, que j'ai vu. Et toi aujourd'hui, parce que les rôles de 20 ans, t'es pas quand même une vieille dame, mais il y a des rôles qui t'ont échappé. Est-ce que des choses qui t'attristent de jamais avoir joué étant plus jeune? Genre Juliette ou des choses comme ça. Ok. J'y pense pas trop. Ok, c'est fait, c'est passé, on va de l'avant. Ouais, et puis aujourd'hui, non, je pourrais plus jouer Juliette, mais il y a les rôles. Ah oui, ouais. Y a plein de choses qui me vieillissent quand même. On peut jouer même plus vieille. Moi j'aimerais bien jouer Mademoiselle Julie par exemple, oui. De Strindberg. Et je crois que je peux encore. Je peux encore. Ouais, j'ai un peu lancé des pistes pour voir comment je pourrais faire pour constituer une équipe et tout, mais... Est-ce que la majorité des pièces te rendent... Joyeuse Pâques et Sophie Marceau, elle a 20 ans dans le film. Oui, c'est vrai. Et là, peut-être avec les couettes... Face à Roland Giraud qui a 60 ans, 60 même plus, il leur fallait une nana de 30 ans pour que ce soit pas bizarre. Oui. Mais est-ce que c'est une pièce exigeante? Est-ce que c'est une pièce qu'au bout du compte, tu risques à chaque soir de sortir fatigué, épuisé? Le fait? Oui, parce que c'est très, très... Si tu regardes le film, ça demande, parce que c'est... c'est très punché. Donc, c'est une pièce qui est très exigeante, qui va te... Je pense, ça dure quasiment 2 heures. Ouais. Ça va dans tous les sens. Oui. Mais puis dans les grosses salles et tout ça, c'est sûr que... Après, quand j'aurai beaucoup joué, ce sera sans doute plus facile. Udo! Le père, il m'a dit, Alphonse, fais-toi couper les cheveux, t'auras bientôt plus de poils qu'il y en a au cul de mes bœufs. J'ai répondu, le père, plus que mes cheveux, ils sont longs, et moi, je lave ce qu'il y a dessous, et moi, juste de savon. Udo! Y'a la mère à l'Eusette qui a déjà de la moustache, elle y donne un tabouret pour aller traîner les vaches. Elle m'aume revient, il dit ton tabouret, j'en veux plus, y'a les vaches, elles veulent point s'asseoir dessus. Idon! Mon père, ce héros, sourire si doux, il était dans un champ sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit, c'était Yvette Horner qui jouait de l'accordéon. Idon! Ma sœur Germaine, elle entend dire à la radio que grâce à la pilule, on n'a plus de marmots. Elle dit, je vais en prendre une des gosses, j'en aurai plus, mais au lieu de l'avaler, est-ce la médaille?

est-ce qu'il y a plusieurs pièces comme ça qui t'ont épuisé en sortant sur scène? Après, moi j'avais tout un Avignon avec la Fémito et le coup presque parfait, ouais. Que je jouais quasiment à la suite. Je commençais par la Fémito à 11h. Oui, c'est et le couple, le couple est ouvert à 14h et je finissais donc à 15h30, mais j'étais rincé quoi. Juste cette pièce-là, un couple presque parfait, c'est, ça brasse, ça roule, c'est un feu roulant. Parce oui. que tu chantes, tu fais. Oui, mais après, quand t'as beaucoup joué un spectacle, tu sais exactement, ah oui, le rouage est... tu sais exactement où respirer, c'est tu sais exactement où prendre des forces. Tu le joues, tu pourrais penser à ta liste de courses, hein, tu vois, c'est horrible de dire ça, mais c'est quelque part, ton corps le fait... instinctif, hein. C'est l'énergie que tu demandes à ton corps de, pour retenir ton texte, faire les bons placements, trouver une vérité, c'est dès que dans l'énergie que tu t'épuises, en fait. Et sinon, quand c'est digéré... Après, moi, je trouve la Fémito, dans les grosses salles, hein, quand tu dois vraiment projeter et que tu donnes parce que physiquement, tu sors, t'es en eau, tu dégoulines. T'as l'impression d'avoir été une rockstar parfois. Et le coup presque parfait, ça m'a fait ça aussi. Ça, c'est dans les grosses salles. Je trouve que dans les grosses salles, parfois, t'as l'impression d'être... Parce qu'il faut que tu projettes davantage. Ouais, il faut que tu fasses que tu donnes à tout le monde, que tout ce que tu fasses soit extrêmement généreux, très physique, que pousser le volume physique et vocal. Et je trouve ça très beau, moi. C'est là où, là pour le coup, c'est un métier d'athlète. Je me dis, les gens qui font pas de théâtre, ils ne peuvent pas faire ça. Ok. Tu vois ? Ah ouais. C'est un muscle. Ah non, mais c'est... Moi, je suis très sportive et je vois pas comment on peut... Enfin, pour moi, je vois pas comment on peut ne pas l'être pour faire ce métier. Ok. Il faut être prête, il faut être... Pour moi, il faut pas fumer. Ah, tu fumes pas, hein ? Non, je fume pas. Après, ça m'arrive de prendre une clope, mais j'essaye de pas trop boire, de pas... J'adore le vin et tout, c'est compliqué, mais... j'essaye de pas trop boire. Une hygiène de vie. Ouais, une bonne hygiène de vie. Vraiment. J'ai 10 questions, on va voir vers où ça nous amène. Si tu étais un liquide. Un parfum. Oh, ok. Lequel? Mais là, t'as pas de parfum actuellement. Si, c'est Chance de Chanel. Okay. Ah oui, ah. Ah, ok. Donc, ce serait ça. Non, ce serait un parfum léger, joyeux. Ça s'adapte à toutes les situations. À l'image de l'été. À l'image de l'été. Ouais. Si tu étais une ville. Pas un gros parfum au patchouli. Non, quand même. Ça, c'est plus âgé. Là. Quand tu seras plus âgé, là, le gros parfum. Je serais une vieille dame. Oui, c'est ça. Insupportable. Qui ne quittera plus sa loge de théâtre. Peut-être, on sait pas. Si tu étais une ville. Paris. Ok, parce que tu la connais très bien. C'est... J'adore l'idée que... Moi, j'ai vécu beaucoup de vie à Paris. J'ai fréquenté des gens extrêmement différents. J'ai eu plein de bandes d'amis extrêmement différents. J'ai eu des mecs extrêmement différents. J'ai vécu dans des arrondissements extrêmement différents. J'ai l'impression d'avoir eu 10 vies depuis que je vis à Paris. Ok. C'est l'endroit stratégique pour accumuler des personnages et voir tout le paysage. Il y a tellement d'odeurs différentes, de couleurs différentes, de quartiers, d'ambiance, de gens différents, rive gauche, rive droite. Après, moi, j'adore voyager aussi. Mais c'est Paris, quand même. Et Paris me met dans des états d'angoisse, de nerfs, parce que Paris représente le travail, ou le non-travail, ou l'attente, ou les castings, et les auditions. Paris représente, c'est l'endroit de toutes mes angoisses et en même temps de tous mes grands bonheurs. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Ich tanz mit dir, du tanz mit mir. Ich tanz mit dir, du tanz mit mir. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert, wir tanzen im Viereck, wir tanzen. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen. Ich, du, wir tanzen konzentriert. Ich, du, du, ich, du, du, wir tanzen konzentriert. Das ist meine Liebe zu dir. Ich will dich abhängig machen von mir. Du sollst genauso sein wie ich. Du sollst mein Zwilling sein. Das ist meine Liebe zu dir. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. KRL-LF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. C'était une langue. C'était une langue... Comment? Le français. Ok, non mais qu'est-ce que tu pensais? Non, je pensais... Parce que je peux te dire, certaines personnes... Quand je fais de l'impro... Je fais de l'impro... en fait, je suis prof d'impro. OK. Ça vient de chez nous, l'improvisation. Ouais, je sais. Okay. Vous êtes sûr. Oui, on vous a laissé une chance, hein, vous avez gagné. L'année dernière. Ah bon? Ben oui, la Ligue nationale d'impro. Ah, j'ai pas tout suivi, mais je sais... moi, mes élèves, ils font un match d'impro en fin d'année. OK. Et je leur fais faire pas mal de gros mollo. Est-ce que c'est gros mollo? Oui, oui. Donc je pensais à cette langue-là, la langue du gros mollo. qui est cette espèce de langue de lâcher prise qui ne veut rien dire, qui est la terreur de mes élèves. Pourquoi ? Parce que c'est ridicule ? Parce que c'est ridicule, parce que quand tu te mets à parler avec des mots qui ne veulent rien dire, qui n'ont pas de sens, voilà, c'est la peur du ridicule. Les gens ont peur du surréalisme, hein? Ont peur du non-sens parce qu'ils n'ont rien pour se référer. C'est ça l'histoire. Bah, les mots, c'est tellement, ça te protège tellement. Ah oui, bah oui, bah oui, oui, ça peut être. Oui, les corps, de toute façon, je le vois, les corps sont tellement bloqués, la peur du ridicule, elle est tellement forte. Et en même temps, quand ils arrivent à se dépasser, c'est tellement beau. Oui, bah oui. Ils surprennent eux aussi. Hein. Ouais, mais tu vois, moi j'ai vraiment eu accès cette année à, je vois, ces gens qui ont des vies, des boulots, en entreprise. Voilà, toute la journée, c'est hyper dur, ils arrivent le soir, ils sont. Ils ont des balais dans le cul parce que la vie fait que t'as un balai dans le cul et que t'es toujours. Il y a la hiérarchie, il y a la représentation, il y a le. La pression du quotidien. La pression, l'apparence qui doit être toujours nickel et tout ça, c'est très compliqué de gérer son intérieur et son cœur et voilà, et ça c'est ce sentiment avec tout ça, c'est compliqué. Hein. Si tu étais une époque. Moi j'aime bien le 19e. Ok. Les romantiques, moi je suis très. Les robes aussi, hein. Les débuts du 20e. Je suis très Zweig, Schindler, Freud. J'adore. J'adore la psychanalyse, j'adore. Ces hommes qui ont réfléchi sur les tréfonds de l'âme humaine, cette langue, les physiques, ces robes, ces textes. Voilà, moi j'aimerais beaucoup jouer L'être d'une inconnue. J'ai joué Mademoiselle Else. Ouais, je me retrouve. Il y a quelque chose dans lequel je me retrouve. Si tu étais un mot. Acidulé. Ok, ah oui. J'aime bien ce mot, ça fait un peu. Ça donne l'eau à la bouche un peu. Oui, acidulé. Oui. Acidulé. Ben oui, oui, c'est la façon de. Ça fait penser aux langues, tu sais, que tu manges quand tu es enfant. Ah oui, les longues langues avec le sucre qui. C'est vrai. Là, aujourd'hui, c'est le sucre surette, hein, ce qui donne un petit goût surette. Tu sais, les bonbons surette, je suis pas très, très. Moi, c'est des bonbons sucrés que j'aime, pas les surettes. Tu sais, celles qui te font faire une grimace, là. Ouais. Moi, je suis pas très. Si tu étais un aliment. Un animal? Non, un aliment. Ah. Non, parce que. Un aliment? Mais avant, aliment. Non, mais j'étais pire que ça avant. C'était pire que ça oui, avant? Oui, je disais aliment, mais là, aliment, ça fonctionnait pas. Mais oui, ça faisait un peu comme un ch'ti. Et t'as rencontré Sophie Parel, qui avait joué Michel Tremblay. Ah oui, mais ça fait longtemps, là. Qui avait joué Michel Tremblay. Oui, oui. Mais ils ont pas joué l'accent, c'est mieux comme ça. Parce que beaucoup de personnes se cassent les dents là-dessus. Moi, j'ai eu un prof de théâtre québécois. Un prof de? Théâtre québécois. OK. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il est formidable. Je suis encore amie avec lui. Ok. Il s'appelle François Lamotte. Elle ne dit rien? Oh oui, oui, mais il me semble qu'il était au Québec. Il est à Québec actuellement. Non? Non, il est encore à Paris. Non, non, il a été jeune acteur à Paris. Oui. Il a fait le conservatoire à Montréal et tout ça. Oui. Je crois qu'il a tourné pas mal quand il avait 20 ans, tout ça. Ouais. Il est parti à Paris. Et là, il est encore. Il est resté, ça fait 20 ans qu'il y est. Ok. Il a un enfant, là, avec une parisienne. Ah, ben c'est bien. Si tu étais. Ah, ouais, mais c'est quoi l'aliment? Ah, ah, là, tu l'as dit, le bonbon. Non. Ah, non, c'est rien à voir, c'est ok, ouais. Je serais du chocolat fondu dans une casserole. Oh, ok. Presque au lait. Non, mais non, bien noir, mais du chocolat pâtissier. Ah oui, oui, ça c'est bon. Ah avec oui. Une spatule en bois. Ah oui, c'est vrai, c'est bon. Ça, c'est une note. Mm-hmm. Mais après ça, c'est chic, ça fait un petit. Si tu étais une saison. Trois heures plus tard. Trois heures plus tard, oui. Trois heures plus tard, je serai l'été. Ok. Pour le soleil, pour tout le plaisir et le côté festif que l'été peut procurer. Oui, puis par rapport au boulot, l'été c'est Avignon, c'est en même temps un moment où tu fais le point sur l'année qui s'est écoulée, où tu te projettes sur l'année à venir. Voilà, tu fais. tu fais le point sur tes forces, tes faiblesses, vers où tu veux aller, comment tu t'imagines. Corporel. Oui. Je serais ma main gauche. Gauche, ok. Est-ce que tu connais la chanson La main gauche? Non. C'est une chanson qui existe. Ah oui? Oui. C'est une Parisienne qui est morte d'un cancer à 32 ans. Elle a fait un seul album et extrait de cet album-là, il y a La main gauche. J'ai écrit de La main gauche, celle qui n'a jamais aimé. Ça te dit rien? Ah, je te l'enverrai. Ah ouais, ça vaut la peine. Mais c'est une chanson parce que si je ne le dis pas, c'est une chanson qui plombe. Qui plombe? Oui. Ouais. Alors, mais c'est très, très beau. Parce qu'elle a su quelques semaines après qu'elle allait mourir. Et ça s'est fait en 3-4 mois. Moi, dès que je suis émue, j'ai la main gauche qui me brûle. Ah oui? Ah, Charles Aznavour, comment ça, elle tremble. Et c'est là, Charlotte, mais ça tremblait à 50 ans. Si tu étais un moment de la journée. Un sel, il faut que je choisisse. Ouais. Une fois que. Le soir, une fois que. Ouais, vers 20h30. Après l'apéro. Ouais, et puis ça me. En fait, là j'ai l'impression que je peux me relâcher, je me désangoisse, que je me dis que tout le monde arrête de bosser à cette heure-là. Okay. Et que, ah, oui. Que je suis pas obligée de continuer à bosser et de continuer à produire. Et que si je bosse, c'est que du bonus par rapport aux autres. Ah oui, et puis, c'est bien, ouais, c'est le tourment de la comédienne, hein? C'est le tourment. Si tu étais un autre individu. C'est un mec. Ok. Le tien? Non. Ok. Un mec qui voyagerait tout le temps. Ok. Un représentant. Non, mais moi j'ai un. Je trouve ça génial de voyager tout le temps, d'aller découvrir le monde et tout ça. Okay. Moi j'ai fait quelques voyages. et ça m'a beaucoup apporté à chaque fois, et je trouve que c'est... Et puis plus je vieillis et moins je suis aventurière. Ouais, tu deviens plus casanière. Ouais, j'ai moins le courage d'aller... C'est moins l'aventure à tout prix. Mais est-ce que tu serais le genre à avoir une fille à chaque aéroport? Ouais. OK. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Non. OK. Tu modifierais quoi? Ta vie privée, ta vie d'actrice, ta vie... Non, ma vie privée, j'ai pas trop de problèmes avec ça, parce que... en fait, je pense que c'est des... j'ai tellement travaillé sur moi pour accepter le chemin que j'avais pris de toute façon, et voilà. Mais ouais, j'aurais pas eu certaines de mes histoires d'amour, j'aurais été plus forte, plus libre, plus indépendante. Mais en même temps, c'est ce qui t'a formé, c'est ce qui t'est aujourd'hui. Bien sûr. Donc voilà, après, j'ai toujours quelques regrets, je peux pas m'empêcher de les avoir, mais on vit avec nos décisions aussi. Oui, et puis tous les moments où je me suis sabotée pour des trucs dont je rêvais. Ouais, c'est-à-dire que j'étais pas prête à cette époque-là. Camille, merci d'être passée à mon émission. Après 4 ans, on se rencontre aujourd'hui, ici, maintenant, en plein point de suspension, parce que tu vas te relancer à l'automne, donc tu essaies de te reposer un peu. Est-ce que tu prends des vacances? Ouais, je vais quand même en prendre les 15 premiers jours d'août. Du mois d'août? Ouais. Dans le sud? Je vais au Portugal. Oh, Portugal, OK. Ah, prendre du bon soleil. Ouais, écoute... Des petits cocktails. Je vais être en mode maison, grande maison, piscine, plage, tout ça, parce que... Lecture, un peu. Ouais, mais en fait, j'ai mon texte à apprendre aussi pour la rentrée. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je suis fatiguée. C'est vrai que j'ai un mec qui est terrorisé par l'avion. Et je lui fais quand même prendre l'avion. Mais donne-lui des gravoles. C'est quoi? Des gravoles, c'est une médication pour apaiser. Quand t'as mal au cœur, tu prends des gravoles. Non, pas chez vous, gravoles, non, ça dit rien? Non. OK, c'est pour apaiser, pour enlever les mots. Donc tu t'endors, tu te soupires. Fais-le dormir. Ou pendant 3 jours, ne dormez pas. Quand tu vas prendre l'avion, piou! Et ça, c'est ma méthode à moi. Ça, je crois que je vais te gaver d'alcool, ouais. Ah, mais non, ouais, non, arrête, il risque d'être insupportable, il va faire son Gérard Depardieu. Chose à ne pas faire, il va pisser sur les allées. Non, faut pas faire ça. Non, faut faire attention. Mais alors, écoute, à la voyure, je te souhaite ce qu'il y a de mieux, et surtout du théâtre, du cinéma et de la télé. Ben, moi aussi, je me le souhaite. À la voyure. Salut. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Est-ce que je peux prendre une photo? Bien sûr. OK. As-tu des appels pendant notre rencontre, non? Ouais, mais... OK. On va voir de quoi ça a l'air. Normalement, c'est pas très bon parce qu'il y a la lumière en arrière. Ouais, c'est ça, c'est pas bon du tout. Voilà, ça, c'est bien. Non? Non, il faut que ça soit moins. On la garde. Une dernière. Merci. Ah, tu veux la voir aussi. Allez. Bon, ben écoute. Merci beaucoup. Hein. Ben, je t'ai dit, moi, j'irai te voir sur scène lorsque ça donnera. L'été prochain? Je sais pas. Je sais pas. Ah non, laisse faire, je t'en prie. T'es sûr? Oh oui. Mais c'est avec grand plaisir. On garde la chambre. Oui, ben oui. Oui, et je t'enverrai le lien avec la rencontre. Tu en fais ce que tu veux. D'accord. Twice as on the gate past 4. Sinking in at 2 a.m. Falling on your toes. So overconfident. You think that no one knows. And you hate me. Now I know the truth. When the walls come down, I'll be there to see the look on your face when you see me. Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.